Ainsi va la vie, ainsi va ta vie en Bosnie. Ainsi va la vie, ainsi va ta vie aussi. Apprendre à aimer, comprendre et sauver ton pays. Ta liberté, chérie, comment tu vas la retrouver? Un peu déchiré par la vérité, vérité. Le temps d'attraper, le temps rattraper. Le temps de trouver, le temps retrouver d'autres voies. Sans pouvoir expliquer, sans devoir pardonner toutefois. Ta liberté, chérie, comment tu vas la retrouver? Un peu déchiré par la vérité. Les vies condamnées tout là-bas. Apprendre à aimer, devoir pardonner une fois. Ta liberté, chérie, comment tu vas la retrouver? Un peu déchiré par la vérité, vérité. Liberté, chérie, comment tu vas la retrouver? Un peu déchiré par la vérité, vérité. Ainsi va ta vie aussi. Ainsi va la vie, ainsi va ta vie en Bosnie.